La question qui va plutôt m'intéresser aujourd'hui, c'est celle de l'écossais, enfin ce que j'appelle l'écossais, ce que certains appellent Scots, en refusant l'appellation écossais en français en disant que ça devrait être réservé aux gaéliques, de la même manière que irlandais est réservé aux gaéliques d'Irlande. Il me semble que c'est parfaitement légitime d'appeler le Scots écossais en anglais, puisque c'est la traduction, disons le nom de la langue correspond au nom du pays, de la même manière qu'en anglais et en écossais, le nom de la langue correspond au nom du pays, et ce depuis le 15e siècle. Et même en gaélique, le terme pour désigner donc, la langue germanique de cette partie de l'Écosse est Arlabaish, donc avec un lien entre le terme qui désigne l'Écosse, Arlaba, et le nom de la langue. Bref, donc, c'est cet espace là en rouge, orange et jaune, les différentes couleurs correspondant, disons ça, c'est la zone d'origine au Moyen-Âge de cette langue qui s'appelle, avant qu'elle s'appelle Scottish au 15e siècle, s'appelait aussi English. Donc, en gros, c'est du vieil anglais qui a évolué différemment au nord de la frontière et petit à petit qui se répand sur une bonne partie du territoire au détriment du gaélique. Alors, à quoi ça ressemble, juste pour vous donner une idée de ce à quoi ça aurait pu ressembler s'il y avait eu un développement d'une langue standard à partir du XVIIe siècle. Donc là, vous avez une traduction du Nouveau Testament qui fait référence comme étant une sorte d'écossais de référence de nos jours, même si quasiment personne n'écrit l'écossais d'une manière aussi systématique. Bon, voilà. Voilà ce à quoi l'écossais aurait pu ressembler s'il avait connu un développement en termes de langue et pas en termes de dialecte comme il est considéré la plupart du temps aujourd'hui. La réalité aujourd'hui correspond plutôt à ça, c'est-à-dire que l'écossais est surtout utilisé pour l'humour, pour le sport, pour imiter les milieux populaires, pour faire passer des idées qui sont plutôt liées justement à ces milieux populaires, etc. Et alors du coup, je voulais vous faire écouter que vous voyez à quoi ça ressemble, mais je ne sais pas si ça va marcher. My name is Dr. Dolbert Hosgrove, Language and Information Officer at the Centre for the Scots Lead in Perth. I would like to speak about the Scots Lead and its Sidnestill historical spearings. Firstly, what is Scots? In modern Scotland, Scots is a name for the byleads gathered together, and is kent by the other names of Doric, Lallans, and Scotch for by. In Godde where you bide, you micht already better ken a mair hema boot name, sic as Borders, Buchan, Dundonian, Glasgow, or Shetland, to name a wheen. See, when gathered all together, the Scots byleads is cried the Scots lead. Scots is come to a branch of the Germanic family of leads, and is, like its sister tongue, Southron, sprung fae the Old Angles lead. Both Old Angles and its daughter, Scots, has been spoken in Southland and Easter Scotland, the Lowlands. Bon, du coup, je sais pas, enfin, si on parle anglais et allemand ou hollandais, on comprend à peu près de quoi il s'agit. C'est là aussi une variante relativement travaillée, disons, d'écossais. Et vous avez toute une myriade de manières de parler l'écossais avec des variations très importantes selon qu'on est en ville ou à la campagne. Et surtout, beaucoup d'interférences et beaucoup d'alternance avec de l'anglais d'Écosse, en fait. Donc, en fait, il est extrêmement rare que quiconque maintienne une conversation en écossais de cette manière sur la durée, en fait. Voilà. Mais, par beaucoup d'égards, la situation rappelle un petit peu celle de la Bretagne avec le gallo et le breton. Disons une Bretagne où le gallo aurait eu une forme de reconnaissance institutionnelle jusqu'au XVIe siècle, ce qui, à ma connaissance, n'est pas vraiment le cas. Donc, Voilà, ce qui caractérise cet écossais, c'est une absence de standardisation. Et je vais revenir là-dessus à plusieurs reprises. Et la conséquence de ça, c'est qu'en théorie, donc, et vraiment en théorie, il n'y a pas de bonne manière de parler ou d'écrire l'écossais. Chacun peut faire ce qu'il veut. C'est en tout cas ce que dit le mouvement, le petit mouvement de promotion de l'écossais, qui consiste notamment, enfin qui consiste surtout en un certain nombre d'écrivains et qui estime que justement c'est la langue de la liberté, c'est la langue du peuple, contrairement à l'anglais, et que donc chacun peut s'exprimer comme il veut, peut écrire comme il veut, et ce sera considéré comme de l'écossais légitime. Je me suis rendu compte que dans le petit texte que j'avais fait passer, j'avais mis cliquer ici pour tel. Et en fait, en cliquant, j'ai oublié de mettre les liens. Donc je peux vous envoyer les liens. En fait, c'est du coup, c'est des articles qui parlent de ça. En pratique, le vernaculaire, qu'on appelle langue ou dialecte ou ensemble de dialectes, est largement réprimé dans les écoles encore aujourd'hui. Et reste surtout pratiqué donc dans les zones rurales, parmi les classes populaires dans les villes, dans certaines villes comme Glasgow, comme Dundee, comme Aberdeen. Donc des villes où les classes populaires et classes ouvrières sont encore dominantes. Pour la première fois en 2011, dans le référent, dans le comment s'appelle le merci. La question de savoir si les gens étaient locuteurs de l'écossais ou non a été posée, mais étant donné que aucun locuteur ne savait réellement ce dont il s'agissait, il y avait tout un site qui expliquait, voilà, si vous parlez comme ça, comme ça, comme ça, vous pouvez vous considérer comme locuteur de l'écossais. ce qui donnait... Alors, attendez. Est-ce que non, j'ai pas les cartes ici. Mais ce qui donnait 2 millions, 2 millions et demi de locuteurs, en sachant que ça ne veut pas dire grand-chose. Et un sondage mené en 2002 par le gouvernement écossais, ou, non, c'est 2010, pardon, par le gouvernement écossais, montrait que 80% de ceux qui se déclaraient locuteurs de l'écossais considéraient que ça n'était pas une langue au même titre que l'anglais. Donc, ça ne se traduit absolument pas par une revendication de masse autour de l'écossais, et il n'y a pas vraiment de mouvement linguistique. Et d'ailleurs, quand The National, qui est un journal qui a été créé après le référendum pour soutenir la cause indépendantiste, a pour la première fois fait sa une entièrement en écossais il y a à peu près exactement un an, ça a provoqué. Ça a provoqué des réactions extrêmement négatives dans la population, en disant qu'il était absolument scandaleux, que personne n'écrivait comme ça, que personne ne parlait comme ça, que c'était moche, que ça correspondait à rien, etc. Donc officiellement, il n'y a pas de problème linguistique en Écosse, sauf que dès que le vernaculaire apparaît de manière un peu trop publique, ça commence à poser problème. Donc il y a eu cet exemple-là, mais il y a eu également... À peu près, donc c'était pendant que je faisais du terrain, j'étais plutôt à Édimbourg, mais donc c'était il y a 2 ans, une chaîne de restaurants s'est installée à Glasgow et elle a voulu mettre son menu en écossais. Donc là, pareil, bon, c'est vraiment de l'écossais extrêmement light. Donc vous avez Royal Waiting en haut à gauche. Bon, voilà, cheese and bacon, meat is mecht. Qu'on pourrait aussi lire en anglais, fait the first bite to the last. Bon, c'était supposé être humoristique, c'était supposé à la fois refléter la manière dont les gens parlent à Glasgow. Donc là, c'était une autre partie du menu. Et là aussi, ça a causé des réactions outrées, que ce soit dans la presse, que ce soit sur Twitter ou autre. Là, vous avez quelques réactions. Donc, quelqu'un qui dit pourquoi vous n'avez pas demandé à un vrai Glaswegian, quelqu'un de Glasgow, de parler, de faire la traduction. Ils avaient demandé à un comique, en fait, à un acteur plutôt qu'à un linguiste. Mais enfin, bon. Personne à Glasgow ne parle comme ça. Voilà, nous on prononce le mot bacon en disant bacon à Glasgow, juste pour vous le faire savoir, etc. Bref, donc officiellement il n'y a pas de problème de langue, mais dès que cette langue apparaît en public, dès qu'elle apparaît dans l'enseignement également, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais comme officiellement il n'y a pas de problème, donc pendant la campagne référendaire, la question linguistique a été à peine abordée, et en fait, donc pour le référendum sur l'indépendance de l'Écosse en 2014, et ça a juste fait l'objet d'un paragraphe dans le manifeste du SNP qui présentait le projet d'une Écosse indépendante. Et ça, j'ai des extraits que je vous montrerai tout à l'heure. Et ça, cette exclusion de la question linguistique a été justifiée par le fait que l'Écosse promouvait un nationalisme civique et non pas un nationalisme ethnique, ce sur quoi je vais revenir aussi tout à l'heure. Et finalement, le citoyen écossais idéal de cette Écosse indépendante est un citoyen rationnel issu des théories des Lumières et du cosmopolitanisme, notamment kantien, et des Lumières écossaises, que ce soit de Adam Smith ou David Hume. La citoyenneté écossaise se vit finalement comme quelque chose d'universel, c'est-à-dire décontextualisé. C'est où on est qui compte et pas d'où on vient. Et la participation à l'espace public se veut une participation d'individus rationnels qui entrent en contact entre eux et qui laissent leurs croyances en dehors de la discussion. Donc finalement, contrairement à l'Angleterre, l'Écosse s'appuie plutôt sur un modèle qui ressemble au modèle français de citoyenneté que au modèle anglais. Donc la question que je veux poser aujourd'hui, c'est celle-ci. Est-ce que l'exclusion de la question linguistique du champ du débat public est une garantie d'une plus grande égalité entre six citoyens idéaux ? Et ce que j'essaye d'argumenter, c'est que ignorer la question linguistique nuit en fait à ce modèle de citoyenneté que le mouvement nationaliste prétend par ailleurs mettre en place, et finalement renforce l'existence d'un espace public monolingue anglophone qui exclut largement les classes populaires qui sont par ailleurs celles qui ont le plus voté en faveur de l'indépendance. Donc avec une sorte de paradoxe ici. Et là, si vous regardez la force du vote pro-indépendantiste, donc plus vous allez vers le bleu, le vert, plus le oui était important, et plus vous allez vers le rouge, plus le non était important. Donc vous voyez que c'est vraiment dans les zones les plus pauvres, les plus populaires, là où vous comptez le plus d'ouvriers, que le oui a été le plus important. Donc autour de Glasgow, finalement, autour de Dundee. Et les Highlands sont un cas un petit peu différent. Et on peut faire corréler cette carte avec la carte du chômage en Écosse. Vous voyez, là aussi, les taux de chômage sont les plus importants sur la ceinture centrale écossaise, à Dundee en particulier. Donc ça, c'est des choses à garder à l'esprit pour la suite. Et donc, pour répondre à la question que je pose, je m'appuie sur plusieurs mois de travail ethnographique en Écosse depuis 2008, mais qui portait principalement sur la standardisation de l'écossais, et donc le travail sur le nationalisme est un travail qui commence depuis pas très très longtemps. Donc, ce que je vous présente, ce sont plutôt des hypothèses que des conclusions définitives. Donc, ce travail de terrain ethnographique à Édimbourg, mais aussi dans les Shetlands. Donc, pour répondre à cette question, je vais d'abord essayer de débroussailler la question de nation, langue et langue standard en Écosse, puis de m'attarder un petit peu sur cette opposition qui est présentée en termes de nationalisme civique contre nationalisme ethnique, pour finir sur les problèmes soulevés par la question linguistique et son exclusion du champ du débat public. Donc... donc cette question de nation, de langue et de langue standard en Écosse. Bon, que l'Écosse soit une nation, le terme est aujourd'hui peu contesté. Et là, je dis pas, c'est pas moi qui dis que l'Écosse est une nation. C'est pas quelque chose qui est contesté même par le gouvernement britannique, qui considère de plus en plus, ce qui n'était pas le cas dans les années 60, que le Royaume-Uni est composé de plusieurs nations. Même si on pourrait revenir sur le sens du mot nation dans le Royaume-Uni, qui n'est pas forcément le même que dans le reste de l'Europe et qui a largement évolué tout au cours du XXe siècle et surtout ces 10 dernières années. Je suis pas sûr que le sens du mot nation dans les années 70 en Écosse soit le même qu'aujourd'hui. Mais disons qu'aujourd'hui, contrairement à la Catalogne, personne ne va s'écharper sur le fait que l'Écosse soit une nation ou pas en Écosse. C'est une question qui est contestée historiquement, savoir est-ce que l'Écosse a été une nation depuis le XIe siècle, ou est-ce que l'Écosse finalement s'est constituée comme nation après l'union avec l'Angleterre. Et cette dernière hypothèse est notamment l'hypothèse que fait un historien écossais qui s'appelle Neil Davidson, qui écrit, si je lis la citation en anglais, tout le monde... ça pose pas de problème. Donc il écrit dans un livre paru en 2000 qui s'appelle The Origins of the Scottish Nation. Il écrit: The Scottish Nation was partly created through two linked processes. First, the destruction of the Highland society and the incorporation of its imagery into the Scottish and British national self-image. Second, the consolidation of that image through participation in the conquest and colonization of North America and India. Both included ferocious episodes of what we would now call ethnic cleansing. Donc, c'est cette idée que la nation écossaise se constitue en tant que nation après les actes d'union avec l'Angleterre, donc après 1707, et que le nationalisme écossais est principalement un nationalisme unioniste jusque dans les années 70, voire jusque dans les années 80. C'est-à-dire un nationalisme qui ne revendique pas spécialement la séparation avec la Grande-Bretagne. Et quand vous avez la statue de William Wallace à l'entrée du château d'Édimbourg, qui est une addition du 19e siècle, il ne s'agit pas de revendiquer l'indépendance de l'Écosse par rapport au Royaume-Uni. Dans l'esprit de ceux qui placent cette statue à cette époque-là, il s'agit de montrer que grâce aux guerres d'indépendance du Moyen-Âge, l'Écosse, contrairement au Pays de Galles, a pu entrer en union avec l'Angleterre de principal à principal, pour reprendre la formule qui était utilisée pour la France et la Provence, et que donc elle a pu négocier une place d'égal à égal dans cette union politique avec l'Angleterre. Mais alors, personnellement, je partage l'idée de Davidson que la nation écossaise est quelque chose d'extrêmement récent, qui date de la fin du XVIIIe siècle. Et cette perspective a des conséquences extrêmement importantes d'un point de vue linguistique, c'est-à-dire du point de vue des langues, et d'un point de vue langagier, c'est-à-dire du point de vue des pratiques langagières. Juste, je fais une parenthèse ici sur les langues standards. Pour expliquer pourquoi l'écossais finalement ne s'est jamais développé en langue standard et pourquoi la question linguistique n'est pas venue en même temps que la question nationale en Écosse. Il me semble qu'on ne peut pas parler de langue standard, linguistique. D'abord, on ne peut pas en parler en dehors de l'Europe avant le XVIIIe siècle. Pour moi, c'est vraiment une invention de la modernité. Elles sont le produit, et pour les comprendre, à mon avis, il faut remonter au XVIIe siècle, il faut remonter aux guerres de religion, disons, entre 1610 et 1648. Et si on considère que les langues standards sont le produit de cette histoire, c'est dans le sens où... ces guerres de religion font 8 millions de morts en Europe, et la question philosophique puis politique qui va occuper une bonne partie du XVIIe siècle, c'est comment établir un savoir qui soit absolument certain, qui ne dépende pas donc du fait qu'on soit protestant ou catholique. Et les réponses qui sont proposées, elles sont proposées d'abord par Descartes, puis par Locke, enfin puis par Bacon, puis par Locke surtout. Et La réponse principale va être dans la séparation du domaine de ce qui va être de la nature, c'est-à-dire du domaine de la pure causalité, et du domaine de la société, c'est-à-dire du domaine de la rationalité. Le domaine de la nature va donc pouvoir être a priori décrit de manière neutre, C'est là que c'est là qu'on va pouvoir développer une science qui ne soit pas dépendante du fait qu'on soit protestant ou catholique, et donc pouvoir trouver des vérités qui ne dépendent pas de l'origine religieuse, géographique, etc., des personnes qui font de la science. Le reste, la société, elle est de toute façon contaminée, donc on s'en occupe pas. Se pose très vite la question de comment faire de la science. Au départ, on va chercher à développer des langues qui soient universelles, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de contextes particuliers, mais qui permettent de décrire au plus près les choses que la science va chercher à décrire. Donc, la première tentative de répondre à cette question, ça va être la création de langues universelles au XVIIe siècle. Langues qui vont vouloir être co collées au plus près des choses, et langues qui vont n'appartenir à personne, finalement. Donc, qui vont être totalement décontextualisées et universelles, en ce sens que, théoriquement, elles devraient pouvoir s'appliquer à l'ensemble de l'humanité de manière égale. Bon, alors évidemment, toutes ces propositions étaient extrêmement contextualisées, finalement, mais c'est ces idées, à mon avis, qui vont se retrouver transférées dans le domaine de la politique après le traité de Westphalie et avec la construction des États-nations, puis au XVIIIe siècle, dans l'Europe des Lumières, avec la volonté de créer des espaces publics politiques, justement, qui soient fondés sur ces principes de neutralité dans lesquels chacun puisse participer au débat public sans amener avec lui ces questions d'origine, qu'elles soient géographiques, ethniques ou surtout religieuses, dans une bonne partie de l'Europe. Donc, ce qui caractérise ces langues universelles, que ce soit des langues standards ou que ce soit des langues inventées, c'est leur caractère décontextualisé. Ce travail de décontextualisation commence au XVIIe siècle, et c'est largement le travail des Lumières, notamment en Allemagne, mais aussi en Écosse. Et là, je vous cite un livre qui est une sorte de recueil des textes principaux des Lumières écossaises, qui est écrit par Alexander Brodie, Brodie, qui dit: The two central elements of Kant's analysis, those concerning free discussion in the public domain and reliance upon one's reason, are at the heart of most accounts of the nature of the Enlightenment, and certainly accord well with the experience of Enlightenment in Scotland. Cette question de la décontextualisation, elle est tellement centrale aux Lumières écossaises qu'on peut lire la question de la main invisible d'Adam Smith de cette manière également. C'est bien pour réguler les relations sociales de manière décontextualisée, c'est-à-dire pour échapper à la corruption des élites politiques, que le marché est vu comme une solution neutre et décontextualisée. Donc, cette question de la décontextualisation et de l'espace public et d'un espace public neutre est particulièrement importante dans l'Écosse du XVIIIe siècle. Mais par contre, la question du langage est particulièrement importante, mais la question des langues ne l'est absolument pas. Si on prend un texte écrit par Lord Kames et Henry Home au XVIIIe siècle, qui est parmi les textes fondateurs des Lumières écossaises, ils écrivent: The members of a tribe, in their original state of hunting and fishing, being little united but by a common language, have no notion of patria, and scarce notion of society, unless when they join in an expedition against an enemy or against wild beasts. The sense of patria begins to unfold itself when a people leaves off wandering, to settle upon a territory which they call their own. Agriculture connects them together, and government still more. They become fellow citizens, and the territory is termed the patria of every person born in it. Donc il y a bien cette opposition entre la langue qui appartient à la tribu primitive et la société évoluée. Elle est connectée par l'agriculture, par le gouvernement, par des institutions. Donc la langue n'est pas explicitement construite comme un élément central de citoyenneté, et c'est encore largement le cas aujourd'hui. Donc la langue n'est pas construite comme un élément central pour la participation à un espace collectif de discussion. Le résultat, c'est que depuis l'acte d'union, mais même avant, depuis finalement la réforme protestante et l'adoption en Écosse d'une Bible en anglais et pas d'une Bible qui soit traduite dans le vernaculaire, alors qu'il y avait des tentatives, hein, il y a eu des tentatives de traduction de la Bible en écossais, mais c'est la Bible de Genève, donc celle traduite par John Knox, entre autres, et Calvin, etc., à Genève, qui est adoptée. Et donc c'est l'anglais qui va jouer petit à petit le rôle de cette langue décontextualisée. Et pour ça, les Lumières, les philosophes des Lumières écossaises vont contribuer à contextualiser leur propre langue, c'est-à-dire à l'attacher à l'ignorance, à la paysannerie et à tout ce qu'eux rejetaient. Et les premières listes, vous connaissez sans doute les listes de gasconisme corrigé, les provençalismes corrigés, etc. Une des premières qu'on trouve est rédigée par le philosophe David Hume dans les années 1750, qui est une liste de scotticisme corrigé. Donc ne dites pas ça, dites ça, ne dites pas ça, etc. Donc, linguistiquement, ce que ça veut dire, c'est que l'écossais reste à la marge de la constitution de ce qu'on appelle aujourd'hui une langue, et se trouve de fait relégué au rang de non-langue, puisque dans le mouvement de standardisation crée en fait des langues et des non-langues. Donc ce qu'on va appeler patois, dialecte, ou pour le cas de l'écossais, slang, ou même la plupart des gens en Écosse qui parlent écossais n'ont pas vraiment de nom pour leur langue, et ils vont juste vous dire c'est juste comme ça qu'on parle, en fait. Voilà. donc se trouve relégué au rang de non-langue, sauf pour faire de la poésie, en fait. Voilà, c'est le seul usage qui va perdurer. Donc cette considération d'une citoyenneté écossaise fondée sur à la fois le cosmopolitanisme et l'universalisme des Lumières va prévaloir tout au long des 19e et du 20e siècle et reste aujourd'hui la règle, une sorte de règle idéale, le citoyen écossais, donc encore une fois, est ce citoyen raisonnable, non soumis à ses passions et à ses croyances dans la participation à un espace commun qui serait soumis aux seules règles de la raison. Et donc, c'est cet appel à l'universalisme des Lumières qui, comme en France, rend délicate la question du nationalisme. Quand vous dites à un Français qu'il est nationaliste, il va vous dire que ben, non, au contraire, puisque justement la France, c'est l'universalité, etc. Donc, rend également délicat le lien entre nationalisme, souveraineté et citoyenneté en Écosse. Donc, le séparatisme écossais est-il nationaliste ? Là encore, je cite Neil Davidson, donc l'historien écossais dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est aussi un historien marxiste, qui estime pour sa part que la montée du vote séparatiste en Écosse n'est pas spécialement nationaliste, mais relève plutôt d'une réaction conjointe des classes moyennes et populaires, à la fois contre le gouvernement britannique, jugé non représentatif, parce que systématiquement conservateur, alors que l'Écosse a tendance depuis 30 ans à voter de manière plutôt à gauche, contre les politiques d'austérité, et puis donc une réaction à la crise économique de 2008. Après, j'aurais tendance à nuancer cette opinion, parce que le fait que les Shetland et les Orcades, donc les îles tout au nord de l'Écosse, aient assez largement voté contre l'indépendance au nom d'une autre forme de nationalisme et au nom d'une ancienne union avec la Norvège, qui a quand même pris fin il y a 500 ans, enfin, donc qui reste présente dans les esprits. Donc au nom de cette autre forme de nationalisme et d'une histoire distincte de celle de l'Écosse, montre que quand même le facteur national, à mon sens, avait une importance particulière dans ce référendum. Mais il faut quand même... pour aller dans le sens de ce que dit Neil Davidson, il faut quand même rappeler que les conditions de vote au référendum étaient la simple résidence, et que les Écossais vivant à l'étranger n'avaient pas le droit de vote, et que les citoyens britanniques, européens et les citoyens du Commonwealth avaient tous le droit de vote dans le référendum en Écosse. C'est-à-dire, le Commonwealth, ça comprenait quand même pas mal de migrants d'Asie et d'Afrique qui étaient donc considérés comme pleinement citoyens écossais, même s'ils n'avaient pas la nationalité britannique. À l'inverse, donc, les Écossais vivant à l'étranger n'avaient pas le droit de vote. Donc, cette politique, elle est menée au nom de l'universalisme écossais, et elle est menée au nom d'une opposition qui existerait entre un nationalisme civique et un nationalisme ethnique. Et c'est au nom de cette opposition que la question linguistique est exclue des débats dans la campagne référendaire. Quand j'ai commencé mon terrain de postdoc en Écosse, donc en 2013, le projet était porté sur la standardisation de l'écossais, et je m'attendais, donc c'était un an avant le référendum, et je m'attendais vraiment à voir la question linguistique surgir à quelques mois du référendum, dans une sorte de modèle classique de formation d'État-nation, donc on réfléchit à comment on parle, on réfléchit à la langue nationale, etc. Or, cette réflexion n'est jamais venue, et même la demande d'avoir des bulletins de vote bilingues en gaélique a même été refusée, alors que l'écossais était, alors que le gaélique est soi-disant langue officielle depuis 2005. Donc, voilà, on trouve la question linguistique, elle est abordée dans ce livre, donc là, qui est publié par le SNP, mais pas donc le Scottish National Party, mais pas seulement. Et qui est distribué dans tous les foyers écossais et qui est supposé être donc le livre blanc de qu'est-ce que sera l'Écosse après son indépendance. Si vous regardez, donc la culture est abordée au chapitre 9, donc Culture and Broadcasting, donc ça fait 6 pages. Et donc il y a pas de section particulière pour la langue. Par contre, on trouve la langue mentionnée 2 fois. Donc, d'abord ici, toujours dans cette section 9, we plan to create a secure future for Gaelic in Scotland by increasing the numbers learning, speaking and using Gaelic through Gaelic education in all sectors and all stages, such as early years, primary and secondary, etc. Donc, une déclaration de principe qui ne va pas plus loin que ce qui existait déjà et qui ne pose aucun objectif précis et rien autour de l'écossais. Curieusement, à la fin de ce paragraphe, vous avez une photo, enfin 2 photos qui sont donc les poèmes de Robert Burns, poems chiefly in the Scottish dialect, donc qui est considéré comme un des promoteurs de la renaissance du vernaculaire écossais au XVIIIe siècle, et une statue de ce même Robert Burns, mais pas un mot de la langue dans laquelle donc il a écrit, dans laquelle il a écrit. Vous avez également une mention de la question linguistique sous l'intitulé éducation, compétences et emploi. Ici, the Cabinet Secretary for Education will have responsibility for primary, secondary, further and higher education, as well as Gaelic and Scots, and will be supported by a Minister for Schools and a Minister for Youth Employment. Voilà, c'est absolument tout ce qu'on a là-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les militants, à la fois de l'écossais comme du gaélique, n'ont pas cherché à faire de la question linguistique une question importante dans le débat, pour ne pas interférer dans la question d'indépendance, la plupart étant du côté de l'indépendance, ils se sont dit, bon, on va éviter de tout mélanger, l'objectif c'est l'indépendance, on verra après. Et effectivement, vous aviez quelques années avant le référendum, le Guardian avait publié ce genre d'article, mais vous en aviez des bien pires dans le Daily Mail et les tabloïds. Donc, the return of the Scots language in an independent Scotland, might Scots become the official national tongue? Donc ça, c'était en 2011. Donc, c'est typiquement le genre d'article qui pouvait faire peur à une majorité de la population qui n'avait aucune idée de ce que pouvait être la langue écossaise, y compris s'ils la parlaient eux-mêmes. La seule voix importante, si on veut, en faveur d'une reconnaissance linguistique vient d'un livre écrit par un universitaire et par un artiste, donc ce qui relativise assez considérablement la portée du livre, qui s'appelle donc c'est un livre qui s'appelle Arts of Independence, the Cultural Argument and Why It Matters Most. Donc pour eux, c'est la question culturelle qui devrait primer dans les débats sur l'indépendance. Bon, ça a été une voix qui a prêché dans le désert. Trois pages dans ce livre sont consacrées à la question linguistique et à la nécessité de promouvoir le gaélique et l'écossais, sans préciser trop comment, sinon par la littérature et par les arts. Et donc, la section de ce livre consacrée à la langue finit finit de manière ambiguë. Language is crucial. It is not the economic priority of the viability of the languages Scots and Gaelic, but the cultural viability of the languages. And that cultural viability is absolutely crucial in any business developments internationally. Donc il commence par dire que c'est pas la question de leur viabilité économique qui compte, mais en même temps finalement c'est ça qui compte. Enfin bref, voilà. Donc le livre est publié par Alistair Moffat, qui est un sculpteur et un enseignant, et Alan Rear, qui est prof de littérature écossaise à l'université de Glasgow en 2014, donc juste avant le référendum. Donc, la raison principale de l'exclusion de la question linguistique tient à cette distinction entre nationalisme civique et nationalisme ethnique, et qui est une distinction à laquelle, alors je ne sais pas pourquoi ça se retrouve ici, mais ça aurait dû être avant, mais donc c'est une distinction à laquelle les nationalistes écossais tiennent très particulièrement. Ça a été vraiment le leitmotiv de toute la campagne. Le nationalisme écossais n'est pas un nationalisme expansif, n'est pas un nationalisme de droite, n'est pas un nationalisme dangereux, n'est pas la même chose que le nationalisme anglais, n'est pas la même chose que le nationalisme britannique, etc. Donc là, vous avez, ça c'était dans le Guardian donc en avril 2014, quelques mois avant le référendum. Là, vous avez une lettre de quelqu'un donc, qui s'appelle Robert Irvine, qui est simplement, donc c'est dans la partie lettre du Guardian, qui explique comment pour lui tout ça est très différent. Civic nationalism defines community by a shared set of political institutions, and in the understanding of the citizens' participation in those institutions is as good in itself, necessary for the full human flourishing. Il oppose ça. Enfin bon, il relie ça donc à Aristote, au patriotisme, aux révolutions américaines et donc aux Lumières. Dans autre article dans le Guardian, donc en septembre 2014, le 16, donc deux jours avant le référendum, Exclusive Scottish Nationalism and British Nationalism on the same. En expliquant, OK, this is civic nationalism, the idea that all citizens should be engaged in the process of deciding where society is headed, not just getting their hands on the tiller once every 4 or 5 years. It utilizes the N-word, donc nationalism, because democracy on a national level offers the best opportunity for fundamental change. Idem dans le Sunday Herald, qui est le seul journal qui ait soutenu l'indépendance avant le référendum. Dans la partie lettres, vous avez quelques jours avant le référendum cette lettre. I was deeply disappointed to hear London Mayor Sadiq Khan imply that the SNP and Scottish Nationalists. Non, donc c'était après le référendum, ça, pardon. And Scottish Nationalists are racist and bigoted. Wrap yourself in the Union flag, isolate yourself off, sing Rule Britannia, attack immigration and you're a patriot, seek equality for Scotland, the world, and welcome immigrants and seek an inclusive society and you're a racist and bigoted, no different from the BNP. Il finit, donc there are of course two different types of nationalism, the British nationalism, which I've already highlighted, which is ethnic and in nature, seeking to unite the indigenous population against the perceived threat of outsiders. For all of us, ethnic nationalism casts a long shadow. Civic nationalism, that which is promoted by the SNP, seeks an inclusive society based on where you are, not where you're from. Et idem là, dans un article publié sur le blog de la London School of Economics, donc the SNP explicitly promotes civic nationalism, claiming that membership to the Scottish nation is to be defined not by blood, but by voluntary attachment to Scotland and participation in its civic life. Donc, dans cette perspective, la langue est reléguée du côté de l'ethnique, ce qui continue à la fois l'idéal cosmopolite puritaniste des Lumières écossaises et la schizophrénie écossaise de faire d'une langue étrangère la langue décontextualisée par excellence. Donc là aussi, on reconnaît quand même une certaine influence de la Révolution française. Et puis cette schizophrénie écossaise qui dure depuis 200 ans. Et cette distinction est largement construite comme allant de soi en Écosse, et elle permet d'opposer l'indépendantisme écossais au Brexit, notamment en le présentant comme une option raisonnable, découlant là encore de choix rationnels, et on retombe sur notre citoyen idéal. Donc, mais à mon sens, la distinction, pour noble qu'elle soit, pose un certain nombre de problèmes. Donc, elle repose sur une conception universaliste de la citoyenneté, beaucoup plus proche du modèle français que du modèle anglais, que, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est une forme de cosmopolitanisme qui repose sur l'idée que le débat rationnel ne peut avoir lieu que si chacun laisse ses croyances en dehors, en dehors des débats. Ce qui implique une sorte de croyance aveugle dans l'idée qu'il existe une manière complètement neutre de débattre et dans laquelle les participants n'apportent pas avec eux leur origine sociale et géographique notamment. Ce qui est évidemment une idée totalement utopique et très largement fausse. Si je m'appuie rapidement sur le travail de Rogers Brubaker, qui est un sociologue anglais, je crois, donc lui a publié pas mal d'articles pour attaquer cette distinction entre nationalisme civique et nationalisme ethnique. Donc civique qui serait fondée sur une ethnique qui serait fondée sur une ethnicité partagée et ethnique qui serait fondée sur une citoyenneté partagée. Donc bon, c'est un raisonnement assez long, mais en gros, pour faire simple, son argument, c'est de dire que le nationalisme ethnique est une catégorie tellement ambiguë que finalement elle sert pas à grand chose en fait. Si le nationalisme ethnique, c'est un nationalisme qui est basé uniquement sur la race, finalement il n'existe pas vraiment, enfin il n'existe aucun nationalisme aujourd'hui, à part peut-être en Hongrie, qui se réclame uniquement de cette idée d'une descendance commune et de la race. Donc voilà, soit on le définit de manière extrêmement étroite, auquel cas il n'existe pas vraiment, soit on le définit de manière large, donc d'une manière plus ethnoculturelle. Mais là, du coup, la distinction avec le nationalisme civique est problématique, puisque ça fait intervenir la notion de culture partagée. Or, la notion de culture partagée, elle est extrêmement floue et on la retrouve, même si on exclut les pratiques culturelles folkloriques et si on exclut les pratiques linguistiques, une bonne partie du programme indépendantiste repose sur cette idée d'une culture partagée, d'une culture commune en tout cas, d'une culture publique, où chacun fait ce qu'il veut de manière privée, mais où publiquement en tout cas il existe des valeurs communes. Et comme on l'a vu plus haut, l'Écosse comme nation est formée sur une conception culturelle qui intègre les symboles des Highlands à une histoire des Basses Terres, en fait, donc qui est basée sur le génocide des Highlands, mais qui du coup intègre ces symboles. Et si vous vous promenez dans Édimbourg, de toute façon, vous ne pouvez pas échapper aux magasins pour touristes qui sont tous tenus par des descendants de gens qui vivaient dans l'Empire britannique, notamment dans les Indes britanniques, et qui vendent ces symboles des hautes terres, c'est-à-dire des kilts, des écharpes avec les tartans des clans, etc., et qui passent de la musique de la cornemuse à fond dans la rue. Donc, cette question d'une culture partagée ou non, même en Écosse, est totalement inséparable de la question nationale, ou alors il faudrait développer une conception purement aculturelle de la citoyenneté, ce qui n'est absolument pas le cas en Écosse. Et ça pose tout un tas de problèmes qui ne sont pas du tout pris en compte. Pendant que je faisais du terrain, j'ai parlé avec une actrice qui se revendiquait comme étant d'origine indienne, et qui essayait d'obtenir des fonds pour former des jeunes d'origine asiatique au théâtre. Or, ce qu'elle disait, c'était que la plupart des fonds en Écosse allaient à la culture écossaise traditionnelle, et pas du tout donc à quelque chose qui était vu comme marginal, donc à la formation d'acteurs d'origine asiatique, puisque théoriquement ils n'étaient pas supposés exister en tant que citoyens d'origine asiatique, puisqu'il n'y a que des Écossais. Vous voyez là encore la ressemblance avec le modèle français. Et donc ce qu'elle disait, c'est que la plupart des gens qu'elle formait ne trouvaient de travail qu'à Londres, finalement. Étaient donc obligés de s'exiler. Donc comme dans le modèle français, la conception civique du nationalisme écossais pose beaucoup de problèmes, et l'exclusion de la dimension identifiée comme culturelle est problématique, ne serait-ce que parce que ce qui est défini comme culturel est très approximatif. Donc la langue est exclue, mais les arts, le domaine des médias, etc., ça ferait partie de la culture. Or, c'est bien par les médias et par le contrôle notamment de la BBC en Écosse que le SNP espère diffuser une culture commune. Donc, il me reste, pardon, je suis désolé, j'ai parlé un peu trop longtemps, mais je peux finir dans 5-10 minutes. Donc, quels sont les problèmes soulevés par la question linguistique et son exclusion du champ du débat? Du coup, on se retrouve avec une situation dans laquelle un vernaculaire, quelle que soit la manière dont on l'appelle, est parlé par plus de 2 millions de personnes. Que l'anglais standard est compris, certes par tout le monde, je pense, aujourd'hui, mais qui est capable de s'exprimer en anglais, ça, on n'en a aucune idée, et je reste convaincu que c'est pas tout le monde, très loin de là. Dans toutes les réunions autour de l'indépendance où j'ai pu aller, la question de l'accent était sans arrêt soulevée. Soit les gens avaient trop d'accent, soit ils n'en avaient pas assez, soit ils n'avaient pas le bon. Donc toute prise de parole était préfacée par une réflexion sur l'accent. Et toute prise de parole était de toute façon prise par des gens qui s'exprimaient en anglais standard, que ce soit en anglais standard d'Écosse ou en anglais standard d'ailleurs. Les voix vraiment non standards, on ne les entendait pas. Par ailleurs, je laisse tomber ça. Par ailleurs, l'Écossais était présent à l'écrit absolument partout pendant la campagne, mais jamais thématisé. Donc là, vous en avez un exemple, ça c'était dans une rue à Édimbourg. Là, vous en avez un autre qui est le détournement. Alors, c'est le détournement de ça, en fait. Donc, vous avez des camions contre l'indépendance qui circulaient dans toute l'Écosse. « I love Scotland, I'm saying no thanks ». Et en fait, le détournement d'avant se moquait d'une publicité pro-unioniste qui avait été faite, qui était vraiment ridicule pour le coup. Et l'Écossais était présent aussi sur Twitter de manière très, très forte. Et il était tout aussi présent dans le camp du oui que dans le camp du non. Là, vous avez la photo de quelqu'un sur Twitter qui avait donc vous aviez des I et des no qui étaient présents. Et puis ça, voilà, vote I, Nehmer Tory Pish, enough, no more Tory Pish. Et là, bon, là encore quelqu'un qui avait un t-shirt en écossais. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin de... Ouais. Voilà. donc, la question de la langue, finalement, était présente, c'est juste qu'elle n'était pas thématisée. Or, est-ce qu'il suffit d'exclure un problème pour qu'il n'en soit plus un? J'en suis pas tellement convaincu. Donc, ce qui pose la question, donc, qui a le droit de parler? Jusqu'à présent, j'ai parlé du mouvement indépendantiste comme quelque chose d'uni, comme d'un seul mouvement, comme... en quelque sorte, une sorte de mouvement nationaliste idéal tel qu'il est rêvé par les partis qui portent le projet nationaliste, c'est-à-dire le SNP, les Verts et le Scottish Socialist Party, en gros. Pourtant, il existe une ligne de fracture dans le mouvement lui-même, une ligne de fracture sociale qui suit, à mon sens, une ligne de fracture linguistique dans la société écossaise, mais qui est difficilement descriptible en termes de langue, tel que le terme défini par les linguistes permettrait de le faire. C'est plutôt une ligne de fracture entre standard, non standard, entre vernaculaire, standard. C'est là encore assez difficile. d'abord très risqué de se risquer très risqué de dire bon ben il y en a qui parlent écossais, d'autres qui parlent anglais, donc c'est vraiment difficile à décrire cette situation. Il s'agit plutôt d'une fracture en termes de langue contre non-langue, que l'absence de standardisation de l'écossais au XVIIIe siècle rend encore plus palpable, puisqu'il n'existe pas de version qui serait en apparence neutre de l'écossais, qui permettrait de s'exprimer en écossais dans l'espace public, ou qui permettrait à des gens s'exprimer en vernaculaire de se rattacher à une tradition linguistique vue comme légitime ou neutre. Et donc, qui a le droit de parler? C'est là que le langage agit à la fois comme un ensemble de ressources et comme un totem dans lequel beaucoup de choses sont investies, notamment beaucoup de mépris pour les gens qui parlent cette non-langue. Première réponse à qui a le droit de parler, c'est que justement, dans les débats, comme je disais il y a deux minutes, auxquels j'ai pu assister, ceux qui pouvaient parler, c'est ceux qui parlaient en anglais standard. En ce sens, donc, du coup, la voie de la neutralité reste la voie standard, celle de l'anglais d'Écosse, qui n'est pas la voie la plus répandue, sans doute, et certainement pas parmi les classes populaires qui ont voté le plus, par ailleurs, pour l'indépendance. Et aussi, donc, j'ai dit qu'il y avait une ligne de fracture, et il y avait en fait plusieurs mouvements dans le camp pro-indépendance. La plupart représentaient les classes moyennes. Ces mouvements qui représentaient les classes moyennes, qui ont fondé les médias, qui ont organisé la plupart des manifestations publiques qui durent encore aujourd'hui, donc qui ont fondé les médias comme The National qui dure encore aujourd'hui, comme Bella Caledonia qui est un des sites les plus où vous avez le plus d'analyses autour de la question de l'indépendance, mais aussi maintenant ils intègrent la question linguistique, la question économique, etc. Mais vous aviez aussi un mouvement qui s'appelle Hope Over Fear, qui quant à lui représentait les classes populaires, classe également représentée par un autre mouvement qui est né juste avant le référendum.